Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 12. De l'apostasie. Que l'apostasie est comprise sous l'infidélité. Doit-on l'obéissance au prince apostat? 1. L'apostasie est-elle une espèce de l'infidélité? Par ces paroles, beaucoup de disciples s'éloignèrent du Sauveur, Jean 6, 67, c'est-à-dire apostasièrent. On peut voir que l'apostasie revient à l'infidélité, car le Sauveur avait dit d'eux, « Il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Apostasier, c'est rompre avec Dieu, et cette rupture se produit suivant les diverses manières dont nous lui sommes unis. L'homme est uni à Dieu par la foi, par la soumission à ses commandements, et par certains engagements spéciaux, tels que le vœu de religion ou les ordres sacrés, de là différentes sortes d'apostasie. On apostasie en quittant un ordre religieux dans lequel on a fait profession, ou en renonçant à un ordre sacré qu'on a reçu, c'est ce qu'on appelle l'apostasie d'ordre ou de religion. On apostasie par la révolte de l'esprit contre les préceptes divins. Mais, après ces diverses apostasies, l'homme peut encore être uni à Dieu par la foi. La rupture complète ne s'établit que par l'abandon de la foi elle-même, et c'est là ce que l'on appelle proprement l'apostasie. Celle-ci consiste à renoncer à la foi. Voilà en quel sens l'apostasie est une espèce de l'infidélité. Note. Comme la foi est le premier fondement des choses que nous devons espérer, et que, sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, l'apostat, du moment qu'il la perd, n'a plus rien qui puisse le rattacher au salut éternel. Son âme, privée de la vie de la foi, éprouve un désastre qui se fait sentir dans toutes les parties de lui-même. Son corps, sa bouche, ses yeux, ses pieds, tout, chez lui, tend au mal. Il sème partout la discorde et cherche à éloigner les autres de la foi, qu'il a lui-même abandonnée. L'apostat, nous dit l'Esprit Saint, est un homme inutile, ses paroles sont pleines de perversité. Il fait des signes avec ses yeux, frappe du pied, parle avec ses doigts, médite le mal dans la corruption de son cœur, et sème partout des querelles. Proverbe 6, 12. Fin de la note. 2. L'apostasie d'un souverain peut-elle autoriser ses sujets à lui refuser l'obéissance? L'infidélité, avons-nous dit, n'est pas incompatible par elle-même avec la puissance établie par le droit des nations, qui est un droit humain, car le droit divin, sur lequel repose la distinction des fidèles et des infidèles, ne détruit pas le droit humain. Mais nous avons ajouté que quelqu'un qui tombe dans l'infidélité peut être soumis à un jugement qui le dépouille du droit d'exercer sa puissance, comme cela peut arriver aussi pour des fautes d'une autre espèce. Il n'appartient pas à l'Église de punir l'infidélité dans ceux qui n'ont jamais reçu la foi. L'apôtre a dit, « Pourquoi entreprendrais-je de juger ceux qui sont en dehors de l'Église ?» 1 Corinthiens 5, 12. Mais quand un prince, qui a d'abord professé la foi, devient cet apostat dont nous parlions plus haut, méditant le mal dans la dépravation de son cœur, semant des querelles et cherchant à éloigner les autres de la religion, l'Église peut le punir juridiquement de son infidélité, en lui ôtant le moyen de pervertir les enfants de la foi, et, du moment qu'il est déclaré, par une sentence juridique, excommunié pour apostasie, ses sujets sont déliés du serment de fidélité. Note. Cas excessivement rare, où l'Église se sent forcée de s'opposer, dans l'intérêt des fidèles, à la perversité d'un prince qui, non content de son apostasie personnelle, cherche à entraîner ses sujets dans sa criminelle erreur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.